Deux autres poèmes tirés de l'ensemble sous-titré Révérence parlée. Tanta les aide. L'aile où je suis, donnant juste sur une gare, j'entends de nuit, mes nuits sont blanches, la bagarre des machines qu'on chauffe et des trains ajustés. Et vraiment, c'est des bruits de nid répercutés à des dieux de fonte et de verre et gras de houille. Vous n'imaginez pas comme cela gazouille, et comme l'on dirait des efforts d'oiselets vers des vols tout prochains à des cieux violets encore, et que le point du jour éclaire à peine. Oh, ces wagons qui vont dévaler dans la plaine!